Vieille faïence. Eh bien, dit le docteur, à ces sortes de choses, il convient de se montrer plutôt indulgent. Là, voyons, lequel d'entre nous ne s'est pas senti un peu voleur au moins une fois dans sa vie? Le crime reste le même, qu'il s'agisse d'un million ou d'un fétu. Encore, à cause des tentations, le million aurait-il peut-être plus d'excuses? Une déclaration pareille hasardée, mon Dieu, en souriant, par un homme aussi universellement considéré que le docteur Exaudi, ne laissa pas de nous surprendre. Car il était vraiment dans notre siècle, le docteur Exaudi, fidèle aux anciennes mœurs, ainsi qu'aux habits d'autrefois, lesquels, vaste lévite et pantalon à pont, s'harmonisaient, on ne peut mieux, avec ses cheveux, soyeux et blancs, de vieillard sensible, évadé d'un tableau de Greuze. Il pesait les choses de la probité, non par gramme, mais par scrupule, comme le faisaient, pour leurs drogues, les apothicaires du bon temps. Sans voir notre tournement, ou feignant de ne pas le voir, le docteur Exaudi continua. Pourquoi rougirais-je de l'avouer? Je voulais comme tout le monde. Et phénomène inexpliqué, au sujet de ce vol, dont le déshonorant souvenir devrait, même après 40 ans, appeler sur mon front la rougeur de la honte, il me fait toujours impossible de ressentir le moindre remords. J'éprouve même, lorsque j'y songe, quelque chose comme du plaisir, étant né sans doute avec une âme scélérate à qui seulement l'occasion d'épanouir ses mauvais instincts a manqué. Où peut conduire cependant l'amour désordonné de faïence? Vous n'ignorez pas que je fus toujours collectionneur. Chacun a ses vices, et je ne dissimule pas les miens. Les uns collectionnent les vieux meubles, les autres les vieilles épées, certains sont pour les livres, vêtus de belles reliures. La reliure a bien son charme. J'en fus même un instant féru.